L'homme au violon par Alphonse Brault. Chapitre 1er. Le comte André de Mornay était un vieux maréchal de camp. Il ne tirait point orgueil de sa vieille noblesse, et cependant elle remontait à Charles Quint. Un de ses aïeux avait été grand écuyer de cet empereur, son bisaïeul, premier veneur de Louis XIV. Mais les blasons et les armoiries poudreuses ne possédaient de valeur à ses yeux qu'entre les mains d'un historiographe, d'un bibliophile ou d'un antiquaire, et il les reléguait impitoyablement dans un grenier avec de gothiques fauteuils, des bouquins écrits sous la régence et des guenilles d'abbé. Le comte André passa les premières années de sa vie au collège des jésuites, car c'était là que se résumaient autrefois toutes les éducations nobles. À 15 ans, il en sortit avec quelques connaissances des langues latines et grecques et de profondes dispositions pour la diplomatie. Malheureusement, sa famille en décida autrement. André, en venant au monde, avait eu un tort, celui de n'être cadet. Et, à cette époque de luxe et de débordement de tous les genres, les aînés seuls comptaient dans une maison. Les autres enfants étaient méconnus, reniés. Les jeunes filles, au lieu d'une vie dorée de soie, d'amour et de plaisir, se vouaient forcément aux pleurs et se revêtaient d'une robe noire en entrant au couvent, comme pour dire un éternel adieu aux félicités de ce monde qu'elles abandonnaient trop tôt pour ne pas les regretter, trop tard pour en perdre le souvenir. Les cadets se faisaient chevaliers de Malte ou abbé. Ils pouvaient au moins choisir du veuvage militaire ou du veuvage claustral. André de Mornay préféra la soutane à l'épée, car il avait à 15 ans un cœur qui comprenait tous les travers et toutes les vertus. Et le plus grand des travers, selon lui, était l'obscurité, la plus grande des vertus, l'ambition. Un jour, il se fit abbé parce que la veille, il avait lu l'histoire de France. Dubois, le cardinal, lui paraissait un misérable, arrivé au ministère en s'habillant d'infamie. Il voulait parvenir aussi haut que lui par les moyens contraires. 93, époque de sang et de crimes, de bouleversements et de reproductions, sonna comme un glas funèbre par toute l'Europe, et 2 années plus tard, André de Mornay, dont le bisaïeul avait été premier veneur de Louis XIV, et le père, grand commandeur de Saint-Louis, venait sous le nom plébéien d'André, s'engager parmi les soldats de la République, chanter à tue-tête la Marseillaise, danser à la carmagnole, manger à la gamelle, et était nommé après 8 jours par son officier, ex-marchand de cuir de la rue française, caporal fourrier de sa compagnie. Il prouva par la suite comment on peut, de la gamelle, s'élever au grade de maréchal de camp. Le comte de Mornay, en 1832, avait depuis longtemps quitté le service et n'était plus qu'un vieillard dans toute sa verdeur, s'occupant de sa famille, jetant quelquefois un regard complaisant vers le passé qu'il aimait, racontant le soir, près du feu, entre sa femme et ses 2 fils, quelque héroïque histoire du vieux temps comme un bon paladin, à cette circonstance près qu'il substituait toujours le nom de France à celui de Gaulle, la bataille d'Austerlitz à celle du Ravin Bleu, et au nom de Roland et d'Amadis, ceux de Junot d'Abrantès et de Napoléon Bonaparte. Mais c'était une habitude vieille de 30 ans, et qui faisait excuser le pauvre général de ses anachronismes militaires. Le 29 du mois de novembre 1832, un jeudi, le jour de Saint-Saturnin et la veille de Saint-André, au moment où 7 heures venait de sonner, on annonça chez M. de Mornay le nom de Lucien. Le général était à table, et dès que ce nom fut prononcé, il ordonna qu'on fît entrer le visiteur. On s'attendait à voir un jeune homme, et un vieillard entra. Le général se leva avec empressement, courut, aussi fort que ses 56 ans et 22 cicatrices le permettaient, au-devant de l'inconnu. Quelques paroles furent échangées. « Bonsoir, monsieur le comte. »« Bonsoir, Lucien. »« Monsieur le comte, je suis coupable de maladresse, je vais me retirer. »« Vous n'en ferez rien, Lucien. »« Mon fils, cédez votre place à monsieur, c'est un brave militaire, mon général. Capitaine, je ne dis que la vérité, et morbleu, donnez-moi la main. Je crois qu'elle tremble. Ah, capitaine !» L'on était au dessert. Lucien le partagea. Quand la table fut desservie, il s'approcha du comte et dit à voix basse, « Je suis venu sans votre invitation, mon général. Je me rappelais ce matin que c'était votre fête et me voici. Veuillez donc accepter ce présent. » Alors il tira de dessous sa houppelande grise et rapiécée un violon de mauvaise apparence, et sa main tremblait plus fort en ce moment, et son visage était blanc. « Lucien, que faites-vous ? » s'écria le général, reculant de 3 pas. « À moi, ce violon ? À moi, jamais. Je vous séparais de vos affections. Mais vous mourriez de la perte de ce violon, vous le savez comme moi, et vous voulez me le donner, êtes-vous donc fou ? » ?»« C'est la première fois que vous me refusez, » répondit le capitaine en frissonnant. « Oui, je vous refuse, car ce sacrifice est trop grand pour vous, et trop au-dessus de vos forces. Monsieur le comte, vous doutez de mon dévouement ? Lucien, mon brave militaire, non, je n'en doute pas. Je suis ton ami depuis 35 ans, mais ce violon fut le tien 1 an avant moi. Ainsi, reprends-le, et je t'en aimerai davantage. » « Que je suis heureux !» s'écria Lucien, saisissant avec avidité son violon. « Que je suis heureux ! Je pourrais garder mon violon, et ne pas être déshérité de votre amitié. » Madame de Mornay et ses 2 fils écoutaient dans un curieux silence ce combat étrange. Et leurs regards se portaient du général au pauvre vieux, à qui tant de fois ils avaient fait l'aumône sur le boulevard Saint-Martin, où ils jouaient du violon. « Lucien !» dit enfin le comte. « J'exige de vous un sacrifice moindre que celui de tout à l'heure, mais qui, cependant, en est encore un pour vous. Donnez-nous pour quelques minutes l'âme de votre violon. » Chacun se tut, et le mendiant joua des airs ravissants, des morceaux de Beethoven et de Gluck, les morceaux d'affection de son général. « Assez, assez !» lui criait par moments le comte. « Lucien, votre violon devient vieux. Chaque jour il s'use, et cette pensée vous tue. » Et je sais que chacune des notes que vous en tirez arrache un soupir, une minute d'existence à votre cœur. » Et le musicien, les veines tendues, le visage crispé, continuait. À 8 heures cependant, il se leva et partit. « Monsieur le capitaine, lui dit Madame de Mornay, nous vous attendons demain à déjeuner. » Lucien n'osait accepter. André lui jeta un coup d'œil significatif. Lucien baisa la main de la comtesse et promit de venir le lendemain. Lorsqu'il fut parti, chacun s'exagéra les bonnes manières du capitaine devenu mendiant. « Sachez donc, murmura le général, que ce n'est point un homme ordinaire, et que sans son violon, le capitaine Lucien n'eût point été condamné aux travaux forcés, et serait aujourd'hui maréchal et pair de France. »« Condamné aux travaux forcés ? » s'écria la comtesse. « Oui, madame, et cependant je lui donne la main. Mais écoutez, écoutez !» En juin 97, je n'étais encore que lieutenant. Je passais avec mon régiment par Lyon, où je demeurais quelques jours. Plusieurs officiers me firent inviter à un concert que donnait une parente de Madame de Staël. J'acceptai, et comme j'étais assez bon musicien, on ajouta que si je voulais accompagner la baronne au piano, elle m'en aurait de la reconnaissance. Cette dame m'avait paru jeune et belle, j'acceptai encore, et le matin même du concert, je fus acheter ma partition de chant. J'allais sortir de chez l'éditeur de musique quand un cri de surprise, qui me déchira l'oreille, me fit retourner. Et je vis un jeune homme, d'assez bonne façon, qui s'extasiait à quelques pas de moi, devant un gothique violon pendu négligemment par un clou à l'étalage du marchand. Je le regardai à mon tour, et je demandai ensuite tout bas ce qu'était ce jeune homme qui tombait en pâmoison devant un violon usé. « C'est un musicien de beaucoup d'avenir, » me dit-on. J'allais rire au nez du marchand et lui tourner le dos, quand l'enthousiaste musicien approcha. « Carly, » dit-il à l'éditeur, « savez-vous que votre boutique renferme un trésor ?»« Je le sais, » répondit l'Italien. « Vous avez chez vous un violon de Crémone ?»« Je le sais. » Et de plus, il a été fait par « Silence, silence, ne prononcez pas son nom !» murmura le jeune homme, en mettant sa main sur la bouche de Carly et me regardant avec défiance. Puis il ajouta plus bas, mystérieusement, « Je le sais, moi, de qui il vient. Je le sais aussi. »« Carly, » dit-il enfin et tout haut, « voulez-vous me vendre ce violon ?»« Mon cher musicien, » lui répondit l'éditeur, « vous ne me payeriez jamais sa valeur. Enfin, que vaut-il ? Donnez-moi 1200 francs et il est à vous. » « Il est à moi !» s'écria le jeune homme. Il tira de sa bourse 1000 francs en or et jeta sur la table une montre de même métal. Puis, s'élançant avec frénésie sur le violon de Crémone, le détacha et sortit précipitamment de la boutique. Moi aussi j'en sortis, riant aux éclats et persuadé que Carly était un fripon et le jeune homme un fou. Le soir, je me rendis au concert. Il était commencé. On jouait le grand air de Alceste de Gluck, morceau hérissé de difficultés et de silence. J'écoutais avec attention, car la musique a toujours produit sur mes sens un effet indéfinissable, une espèce d'extase ou de convulsion délicieuse. Ce soir-là, plus que jamais, je me laissais entraîner à la fascination de l'harmonie, et principalement aux notes suaves qui s'exhalaient, comme un chant céleste d'un violon inconnu. Je ne puis vous analyser positivement les sensations que ces notes me firent leur éprouver, mais certainement elles me bouleversèrent l'âme, puisque sous la puissance du démon musical ou d'une étrange exaltation, je m'écriais en plein concert « le seul violon aux notes suaves, que les autres se taisent !» Chacun me regardait avec surprise. Le grand morceau de Gluck ne fut pas cependant interrompu, et toujours je n'entendais que les accords d'un seul instrument. Les autres me semblaient autant de parodies musicales. Et je m'écriais encore « le seul violon, le seul violon !» Un de mes amis m'entraîna sur un balcon et me fit remarquer l'inconvenance de mes paroles. Probablement le grand air me dégagea le cerveau, et après avoir remercié mon ami, je sortis quelques minutes pour me dérober au charme qui me magnétisait.